est immense quand tu souris et quand tu déjà le 9 juillet, le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. J'aime bien. Ça, c'est une de mes phrases préférées pour les auditeurs qui connaissent vraiment ce que je fais depuis le début. Et puis, sinon, comment ça va? Ça sent bon l'été? Voilà l'été, voilà... Non, je ne ferai pas je ne la ferai pas. Voilà l'été... Non, presque pas. Il n'y a pas d'écho. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. C'est l'été, c'est l'été. Puis cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain. Mais j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi, pour qu'il soit ce jardin aussi sublime que toi. Pardon. Moment émotif. Mais il y a toujours 15 secondes d'émotion. Puis après ça, il n'y a plus rien. Il y a juste de l'attente. Il va-tu encore pleurer? C'est comme un téléthon ou un radiothon. Est-ce qu'il va y avoir des larmes qui couleront? Mais au moins, dans un radiothon, tu peux faire comme sangloter. Je remercie tout le monde. Nous avons des... Le monde, appelle. Je peux donner encore. Ben, donner. Merci, donner. C'est pas perdu. 5 mots pour mon improvisation, histoire de se lancer encore dans des sentiers peu recommandés par les qui. On va dire les qui, on les connaît. Les gens qui n'osent pas. Nous, ici, on va oser avec 5 mots. Hey, mais comment ça? Mes doubles foyers font double ce soir. Ah, ben, il y a de la saleté. Alors, nous allons prendre figure. Nous allons prendre compter. Nous allons prendre connaître. Nous allons prendre corps. Et nous allons prendre écrire. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Figure, compter, connaître, corps, écrire. Comme la semaine dernière, j'ai un signal pour vous dire que les 5 mots ont été atteints. Nous avons parcouru les 5 promesses. Alors, si vous entendez, ce n'est pas que l'improvisation est terminée, c'est que ça continue, mais c'est uniquement pour vous mettre un peu en situation parce que vous n'avez pas un crayon à papier. Hein? Quand vous allez à la boxe, si vous êtes amateur de boxe. Parce qu'il faut aimer voir les... Ah ouais, t'approches-le, tue-le! Mais l'ambulance, elle est là, le corbillard est pas loin. Ah ouais, mon crotté, tu vas mourir! Non, mais c'est pas violent, la boxe, non. Ah ouais, j'espère qu'ensanglante-le! Comment? Ensanglante-le! Écris-moi donc ça, ensanglante-le. Ensanglante-le. Ensanglante-le. Ensanglante-le! Ben oui, mais arrêtez de le dire, mais épelez-le. Épeler. Moi, j'épelle des patates le soir, puis j'en ai ras-le-bol. Moi, j'ai plus... Non, ras-le-bol, oh, c'est pas mal. Oh, mais ma femme est française, hein. Elle m'oblige à un lexique assez normatif, mais assez. Assez? C'est assez niaisage de phrase, là. OK, niaisage de phrase. Merci, monsieur. Non, mais moi, pas ça, cette émission-là. C'est la première fois. Oui, mais je suis très content. Merci. Vous êtes un amateur. Moi, j'aime ça à la boxe, moi. Moi, coupe-moi. Ah ouais, tue-le. Ah ouais, l'ambulance est là, mon crotté. Sinon, le corbillard est pas loin. Mais, oh, OK. Ça vous relaxe? Ah, moi, ça me relaxe parce que je suis pas un gars violent dans la vie. OK. Et là? Pas violent non plus. Mais en dehors de la vie? Ah, très violent. OK. En dehors de la vie? Oui. C'est-à-dire? Dans mon sommeil, dans mes rêves, très violent. Moi, j'en ai tué du monde dans mes... Au moins, je peux pas me faire arrêter par la police. Oh. Alors, c'est caché, c'est presque freudien. Bon, lâche-moi ça, je vais le freudien analyser. Moi, tue-le, l'ambulance est là, tue-le, le camion est pas loin. OK, alors on y va. Vous êtes... Moi, je suis un amateur de boxe, moi. Moi, les poids lourds, ça me fait pas peur. Dans le ring, en dehors du ring, les autres choses, mais dans le ring, va dans le ring, tue-toi entre vous autres, tuez-vous entre vous autres, là. Mais venez pas me voir, là. Si vous pouvez m'envoyer quelques graines, de, quelques... Non, c'est pas des graines. Attends un peu. Non, je me reprends. Mais j'entends la voix de ma femme. Si vous purjutez. Et puis non, purjutez. Purjutez. Comment? Purjutez. Pouvez-vous encore réappeler? Purjutez. Ça, c'est éplé. C'est éplé, purjuté, pururur, rururur, c'était des purjutés. Tu l'as, voilà, ouais! L'ambulance est là, le cambrioleur est pas loin! Ah, oh, ça va bien, ça va très bien. Allez-vous revenir pendant l'improvisation? Je sais pas, c'est toi qui décides. Ça, t'as raison. Tu me tutoies? Ben oui, ben écoute, on est rendus des grands amis. Ah, oh, ouais! Ah, oh, ouais, ouais, des grands. J'en connais des grands, moi. Ok, des grands. Des grands de la boxe. Ah, ouais, tu l'as! Ah, ouais, tu l'as! L'ambulance est pas loin! Le campillard aussi! Bon, OK. Quel grand? Bon, ouais, les grands de la chanson. On connaît ça, les grands de la chanson. Chanson québécoise. Ensuite? Américaine. Nous sommes des Américains. Mais États-Uniennes. Ça, c'est ma femme qui m'a dit. Elle a essayé de me conquérir par des belles phrases, là, comme « Tu me sens bon, que tu me parais beau, si ton lexique est-tu plus plumage, rose-toi mon cochon. » Non, mais, pardon? Qu'est-ce que tu dis là? Il a rien dit. Ça fait que... Non, mais ma femme m'a dit que c'est ça, ça. C'était ça. Il faut commencer l'improvisation. Il manque de temps. Puis vous voulez que je refasse, hein? Vous l'aimez, celle-là, hein? Ah ouais, tu l'as! L'ambulance est là, puis le corbillard est pas loin! Bon. Figure, compter, connaître, corps, écrire. On s'excuse, là, les enfants, j'espère que vous dormez. À double amour. Rouin, c'est bien dit, hein? Mon petit chaton, endors-toi, double amour. Et je suis là, à côté de toi, à double amour. À votre femme, votre blonde, si vous venez de conquérir une fille, là, puis moi, je connais pas. Moi, là. Est-ce que tu peux me nommer? Ben oui. Tu peux me nommer? Ben oui, nomme-toi. Je suis à la radio? Oui. Oh, merci, j'aime ça de la radio, moi. C'est beau, la radio, hein? Ben c'est beau, oui. Tu t'achètes une radio? Ben tu t'achètes une radio. Une radio, une belle radio. C'est KRL. Ah non, mais une radio, OK. Ah, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est KRL et c'est une radio. Mais toi, tu t'es acheté une radio? Ben, j'ai acheté une radio. Comment qu'elle s'appelle? Quelle sorte de radio? C'est KRL. Tu t'as acheté une radio? Oui. Elle est belle. Comment elle s'appelle? C'est quoi, réel? C'est beau. Puis là, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire bonjour à mes amis. Hey. Non. On fait pas ça, là. Ben, on veut dire bonjour à Sébastien Thibault, à Raymond Baudouin, à Jacinthe Surprenant, puis à Luc Plamondon. Luc Plamondon. Le Luc Plamondon qu'on connaît, que je connais, là. C'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Luc Plamondon? Mon Luc Plamondon, oui. Ben, il fait une coupe de cheveux, il a des lunettes pimpées. C'est Luc Plamondon. Oh! Est-il chanteur? Ah non, il chante pas. Ah non, il fait chanter les autres. Il dit, si tu chantes pas, moi, je chigne pas. Puis si je chigne pas, là, t'auras pas d'argent. Parce que moi, je suis Luc Plamondon, puis Luc Plamondon, c'est moi qui règne ici, t'asseoir. Puis si vous êtes pas à soir depuis des règnes et des règnes, amen. Alors, figure, compter, connaître, corps, écrire. On y va. On va dire que ça, c'est le début de l'improvisation. J'ai dit aucun mot encore, là. Il aurait fallu que tu la lances, là, la phrase là-dessus, là. T'étais bien parti. Non, mais t'avais la figure de style. Mais il faut pas compter ses autres, parce que on les connaît. On surprend souvent. On se dit en mando. Je croyais le connaître. Ah oui. Puis ça fait des années que je prends le stylo, puis j'ose lui écrire. Puis... Mando, hey... Quand je pense qu'on a été un jour corps à corps avec... Corps à corps et saint d'esprit. Là, ben, mes heures sont presque comptées. Et dans ma vie, je ne crois plus rien connaître. J'ai le corps s'alourdit et j'ai à peine la force d'écrire. Je crois que je vais fondre. Je vais tranquillement, dit-il en poussant le micro avec sa bouche. Ça a-tu paru que j'ai fait le saut avec la mouche? Le saut de la mouche? Vous connaissez pas ça, le saut de la mouche, hein? C'était beau, hein? C'était triste. Georgette a presque versé une larme. Elle est comme ça, elle. Elle aime ça pleurer. Il y en a de même. Moi, j'ai rien contre. Mais il me reste juste un mot. Il fallait simplement lui écrire. My heart.

voisine ne sait jouer que ça. Gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir, il y en a. La la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon. Depuis le temps que tu entends ça, la la la, la la la. Est-ce que ça ne te saoule pas? La la la, la la la. Mais qui était cette Élise qui défrise nos pianos, qui sans fin se gargarise et se crise de trémolo? Dis Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton Élise tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix? La la, oh la la. Croire qu'Élise écoutait sans arrêt, ce machin qui vraiment ne me fait plus d'effet, plus d'effet. Oui, mais Élise, elle aimait ça, qu'on lui redise blablabla. Bla, bla. Pourquoi écrire avec un piano, les petits marteaux, les petits marteaux, quand c'est si simple avec un stylo, et puis des mots, rien que des mots. Mais cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig. S'il envoie ses grosses bises, elle les veut en musique. Ah, si seulement elle avait pu se taper le facteur, on n'aurait pas eu à se farcir tous ces doubles soupirs et tous ces ne m'oubliez pas. S'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écopé ça. La la, la la. Chaque jour à l'heure du courrier, et allez, et allez, il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mes chéris Élise, il serait bon que vous accusiez réception. Qui sait, mais si vous lui répondiez par courrier recommandé, elle pourrait apprendre par cœur, enfin l'heure toréador. Je sais que je m'en lasserai, mais ça me changerait. Salut, ça va? Alors, je commençais à t'indiquer des indications. Et moi? Ça va bien. Écoute, on y arrive. Oui, mais c'est très tôt, hein? Ça va, ça va. Toi? Moi, toi, tu me dis toi. Moi, non. C'est pas trop tôt. Ça va? Ah, oh, ben oui. Ben oui, je suis un ancien travailleur de nuit, donc les décalages, ça fait partie de ma vie depuis 35 ans. Écoute, je vais faire un petit tour. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, pas de problème. Okay. Oui. Il n'y a rien qui presse. Je vais prendre simplement un chocolat chaud avec, avec de l'eau. De l'eau? Oui, s'il vous plaît. Allez, go! Merci. Ça va, Louis? Déjà, c'est super. Je mets ça parce que je me suis fait opérer des yeux. Oui, oui, oui, oui. Pour des cataractes. Non. Non. C'est pour la myopie. Ok, oui. Tu sais, laser. Oui, et puis là, vous êtes obligé. Pendant 2 mois, il faut que je garde les lunettes au soleil. Ça, écoute. Et puis il ne faut pas trop non plus lever d'objets lourds, c'est ça? Ah bon? Ah, tu ne savais pas? Non. En tout cas, chez nous. Ah oui, parce que c'est le truc où tu as tout le capot de oui, l'œil. Oui. Non, moi, je n'ai pas ouvert le capot. Ah, ok. C'est juste laser. Ok. Il n'y a pas du tout de contact. Est-ce que ça vient fonctionner? Écoute, je vois très bien de loin. Ok. Pour l'instant, de près, ça équilibre, ouais. Mais de loin, c'est magique. C'est parce magique. Là, je ne veux plus avoir de lunettes. C'était. Alors attends. Ouais. Surtout l'été. Pour voir hein. De près, de loin, pour jouer au piano, oui. Pour les partitions. Non, mais surtout j'oubliais. La chaleur, ouais, glisser la exact, lumière, ça c'est... Donc là, ouais. Je vois, c'est, pour moi c'est miraculeux. Tu renais. Ouais, carrément. Mais toi t'es quoi, t'es myope, t'es... Ah moi je suis les deux. C'est-à-dire, tu vas pas de loin, de près? Près, loin, donc j'ai des foyers progressifs. Ah, j'ai essayé ça. Alors il faut ajuster... Ça te fait pas tourner un peu la tête? Ah mais moi je suis... Non, au début peut-être, mais pas après... Bon. Ils disent qu'après 2 semaines, on s'y habitue, mais il y en a qui s'habituent. Ouais, mais jamais. J'ai essayé avec les lentilles, tu sais, progressif. Ouais. Ben c'est ça. Jamais exactement. Réussi. Jamais réussi. Nous, avant, on appelait ça des doubles foyers. Oui, parce que mais oui, bien on voyait, sûr. On voyait vraiment... Il y avait la petite démarcation. Ouais, mais aujourd'hui, ça s'est amélioré. Hein, ça, je parle des années 70. Là. Puis on pouvait pas amincir la lunette. Oui, c'était très, très gros. Puis les myopes, là, il y en a qui... C'était l'effet loupe. Ah ouais, c'est épouvantable. Quand ils enlevaient la lunette, là, les yeux étaient tout petits. C'est un peu comme le docteur Magou. Exactement, ah, c'est oui. Ça, Mr. Magou. Ah oui. Ah là là. Et toi, sinon, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Qu'est-ce qui m'a amené à la musique? C'est l'arrivée d'un piano à la maison, en fait. Tu vois? Okay. C'est-à-dire que ma mère était folle de musique depuis toujours. Et ils ont loué un piano. C'était le grand événement, tu ah, vois. Ah oui? Oh, oui. Et donc, elle a commencé à travailler sur la méthode rose. Je ne sais pas si tu connais la méthode rose. Non. Van de Velde, très très officiel, tu vois. Okay. Et je vais vous prendre, s'il vous plaît, un San Pellegrino, c'est possible. Perrier. Perrier. Très bien. Et le piano arrive. Ma mère, évidemment, se met dessus, commence à essayer de jouer, tu vois. Est-ce qu'elle savait jouer? Non. Ok, mais pourquoi le piano, c'était... Écoute, elle était dans une... À l'époque, tu sais ce qu'on appelle les... En pensionnat. Oui, ok, oui, oui. Tu vois? Oui. Voilà. Et il y avait une pièce réservée. Ouais. Il y avait une pièce réservée où les gens un petit peu riches avaient leur leçon de piano toutes les semaines. Oui, oui, oui. C'était... Et ma mère n'avait pas accès à ça. Non, les gens plus bourgeois. Et elle, exact. Elle montait sur des petites cagettes, puis elle regardait, elle bavait ah ouais. D'envie, tu vois. Ah ouais. Donc elle s'est dit, le jour où je pourrais... Je l'aurai, voilà. Et donc, le piano est arrivé à la maison, en location. Elle a commencé à jouer et ma maman, que j'aime d'amour, mais elle était très, très raide, des doigts, ça ne marchait pas bien. Et moi, je suis arrivée là. Tout de suite, j'ai mis les doigts dessus, j'ai eu envie, l'élan d'y aller, oh, et c'était ouais. Un truc évident, quoi. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça, d'une façon un peu... 5-6 ans? Ouais, c'est ça. Instinctif, c'était instinctif. C'était l'élan, c'était cet instrument que je voulais. Mais la passion aussi. Oui, tout de suite. Et c'était même pas une question, tu vois, de se dire, est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie, c'était... On réfléchit pas. Évident. Ouais. On avait, avant que le piano arrive, le grand, on avait un tout petit piano. Je ne sais pas si tu as connu ça, Michelson. Bah oui, tu oui, vois. Bah oui. Ouais, les pianos portatifs, en guillemets. Qu'est-ce que c'est beau. Oui. Et déjà, je commençais petite là-dessus. Et mes parents aussi disaient, dis donc, elle a vraiment... elle aime la musique, quoi. J'aimais ça. Mais il y a des artistes, des pianistes qui ne veulent jouer que sur un piano à queue et non pas des pianos électriques ou... On préfère. Je préfère, évidemment. Après, je te dirais, il y a quelques années, c'était compliqué. Maintenant, il y a toujours pas la sensation physique de la touche. Tu sais comment ça va. Sur piano électrique, tu veux dire. Sur piano électrique. Ouais, ben ouais. T'as pas le double échappement, non. T'as pas le truc physique. Puis tu sens que c'est du plastique et non pas du bois. Tu le sens, ouais. Voilà. Mais, au niveau du son, avec les échantillonnages, maintenant, ça fait la blague. Ouais. Même. Tu vois, ouais. Ça commence à être assez compétitif. Mais il n'y aura pas tactilement. Moi, ouais. je suis très, très comme ça, en contact. Il n'y a pas ça. Non. Évidemment. C'est ça. Mais tu sens que c'est un peu plus superficiel, moins. Oui, et tu ne peux pas travailler sur les nuances, sur l'amplitude, tu vois. Si tu veux faire un super piano, machin, tu auras beau essayer de caresser ouais. La touche. Mais non. Mais non, c'est électrique. Donc, ouais. Tandis que l'autre, ça frappe les cordes, donc tu peux. Et puis, il y a l'aspect, tu sais, quand tu joues d'un instrument piano ou autre chose, tu as l'implication de tout le corps. Donc quand tu donnes de la patate, quoi, de la pêche, et qu'il n'y a rien qui sort, c'est un peu frustrant. Ouais. C'est un peu frustrant. Ouais. J'ai fait un concert semaine dernière et il y avait un... À quel endroit? À la Contrescarpe, peut-être okay. De la Contrescarpe. Et il y a Dutheil, un monsieur... Dutheil l'a popularisé, hein? Comment? Yves Dutheil. Ah oui? Pas, ben oui, cet endroit-là, jusqu'à la Grande Escale. Absolument, c'est vrai. Et c'est le directeur du théâtre de Passy qui est venu voir le spectacle et qui me dit, mais j'étais malheureux pour vous, parce que c'était Rideau Électrique. Il me dit, je vous voyais, vous donniez le truc, machin. Je voyais les nuances, mais je n'arrivais pas à entendre, parce qu'il n'y avait, pas tout ça, toute cette richesse. Enfin bref. Ouais. Voilà. Mais tu t'es donné entière comme si... Mais il faut. Ouais. C'est obligé, mais voilà. C'est, mais je ne suis pas... Si les conditions font qu'il y a un piano électrique, qu'il y a un piano électrique. Il faut y aller, et bon... Mais on peut faire autrement. Ben oui. Quand c'est professionnel et que le son va fonctionner numéro un, et tu sais très bien que... Pleure pas, Casanova, t'es bourré, t'es saoulant. Il faut pas rester là, tout le monde est à cran. Tu peux jouer les ivrognes et chialer dans mes bras. Ta princesse s'en cogne, elle ne reviendra pas. Je sais ce que ça fait de perdre les pédales quand tu l'as rencontrée. Moi aussi, j'ai eu mal. Après tout, c'est chacun son tour. Un jour, le bonheur fout le camp. Le temps passe vite à faire l'amour, et l'amour passe avec le temps. Pleure pas, Casanova, relève un peu la tête. Elle était pas pour toi, c'était juste une minette. Elle a joué les madones, elle a fait comme les grandes. Il y avait mal donne et tu veux pas comprendre. Arrête de faire la gueule et puis regarde-toi. Tu veux pas dormir seule, alors tu penses à moi. Pleure pas, Casanova, demain tu seras pas fière. Et ça suffit comme ça, tes larmes puent la bière. Arrête ton baratin, finalement ça vaut mieux. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ta queue. Ça devient pitoyable, reprends tes discours. Tes je t'aime, jetables, et tes miettes d'amour. Après tout, c'est chacun son tour. Un jour, il faut serrer les dents. Le temps passe vite à faire l'amour, et l'amour passe avec le temps. Casanova, t'as su que tu l'aimais. Depuis qu'elle est plus là, depuis qu'elle t'a quitté. Maintenant, tu reviens me parler du passé. Moi, j'ai un mal de chien, moi j'ai rien oublié. Tu m'appelles au secours, mais ce soir c'est raté. On va pas faire l'amour, on va faire l'amitié. Après tout, c'est chacun son tour. Un jour il faut serrer les dents. Le temps passe vite à faire l'amour, et l'amour passe avec le temps. C'est à chacun, chacun son tour. Un jour le bonheur fout le camp. Le temps passe vite à faire l'amour, et l'amour passe. Et puis sur un spectacle chanson, si c'est un spectacle de musique classique ou machin, non, c'est même pas la peine. Mais toi, tu as une formation classique. J'ai une formation classique. Ouais. Mais j'ai arrêté, enfin j'ai arrêté. J'ai basculé dans la chanson vers 2000 par là. Pourquoi ? Eh bien, je vais te dire une chose. J'enseignais, tu vois, j'ai fait des concerts, j'enseignais. Et à un moment donné, toujours piano, musique de chambre, tout ça, accompagnement. Oui. Et à un moment donné, je me suis retrouvée devant un petit élève tout mignon. Et je me suis dit, ben, j'ai plus envie de faire ça, je m'ennuie. Et si moi, je m'ennuie, qu'est-ce que tu veux que je transmette aux gamins, aux adultes que j'enseigne ? J'ai dit non, ça je veux pas. Et donc, je me suis dit, c'est le moment, c'est un signe, il faut pas faire ça, il faut pas être contre l'élan. Et dans le conservatoire où j'enseignais, il y avait Jean-Louis Bédon, que tu connais, bah oui, et oui, voilà, oui. Et qui m'a dit, écoute, j'ai un concert à Avignon. Tout le monde est rendu là, actuellement, à Avignon. Ouais, mon mari est parti avant-hier. Et il m'a dit, voilà, si tu veux accompagner quelqu'un, moi, je peux pas y aller. J'ai dit, ok, j'y vais. Et je me lance, tu vois. J'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois, d'accompagner des chanteurs et tout avec des grilles. Ouais. Avec des grilles. Moi, avec une formation hyper classique, ouais. Tu sais, de lire les partitions, ouais. Machin. Hein. Et là, je me retrouve comme une poule devant un couteau. Je me dis, bah, c'est quoi ce truc-là? Et j'ai pleuré. Je te dis, Rénal, j'ai pleuré. Des nuits entières, en me disant, mais je suis nulle, c'est de la merde, je ne sais pas jouer de piano, c'est horrible et tout. Et j'ai appris. J'ai appris à improviser, à sur les grilles, machin, mais ça a été... Un peu comme le jazz. Oui, c'est ça. Mais au début, ça a été douloureux. Parce que j'avais l'envie, j'avais l'élan. Et je me sentais, mais vraiment... Coincée, pas douée là-dedans, tu vois, j'étais, ouais, malheureuse. Mais j'ai bossé, voilà, ouais. J'ai bossé. Et puis l'envie, et puis deux mois après, je crois, Jean-Louis me dit, écoute, il y a Alain Leprest, ouais. Qui joue au Coletta, ouais. Avec... Tu as parlé... D'Alain Leprest. Il me dit, voilà, je devais accompagner Alain, je peux pas. Alain Leprest. Et moi, toujours pareil. D'abord, je dis oui, après, je réfléchis, tu sais. Merci. Mais c'est juste piano-voix, normalement, Alain Leprest. Ouais. Okay. Quelquefois, avec un guitariste. Globalement, mais... non. Il y a eu des formules, piano-voix, c'était tout le temps, ouais. C'est sûr. Il y a eu des formules avec batterie, Fender Rhodes, on avait fait le Sylvia Montfort. Et là, il y avait une version un peu plus étoffée. Mais Alain, il était tellement hors tempo. Qu'est-ce que tu veux faire des arrangements, ouais. Et jouer avec lui, ouais. On a essayé avec Léonissime, avec Jean-Luc Bernard d'écrire. On a écrit des arrangements, machin, piano, Fender, batterie. Parce que c'est un électron libre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il commence sa chanson, tu ne sais pas, ouais. Où il va aller. Lui non plus. Lui non plus. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et donc, tu vois, il y a un truc, tu es en train de jouer, il chante la chanson, il pleut sur la mer. Toi, tu es là, tu fais ton arrangement qui est super bien carré, machin. Et à un moment donné, tu sens qu'Alain, il part ailleurs. Alors, on se regarde avec Léo et puis on se dit, okay, on va suivre. On lâche, on suit. Ouais, ben oui, il faut. Hein. C'est ça, c'est ça. Et ça fait partie de la beauté de la chose aussi. Il ouais. Faut aimer les risques quand tu joues avec Leprest. Oh là là. Parce que d'un, tu sais pas dans quelles conditions il va chanter. Oui. Tu sais pas de quelle manière il va chanter. Oui. Et comment il a passé sa journée pour avant d'arriver sur scène. Exactement, c'est ça. Mais c'est enrichissant. Ah ben oui, il faut accepter l'instant. C'est-à-dire, c'est comme le comédien. C'est-à-dire que tu peux être que dans l'instant présent. Si tu es juste avant, juste après, tu as tout raté. Ouais. Parce que tu n'es plus là précisément avec ta vérité. Et puis avec la relation. Parce que c'est Alain qui amène cette vérité-là de l'instant, comme tu dis. Justement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé avant pour lui? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce que machin? Et à partir de là, ça permet tellement de richesse. Ouais. Moi, c'est ce que je guette, moi, en étant sur scène, c'est la vérité du moment. Ouais. Tu vois, et pas projeter des choses, pas se dire, tiens, je vais faire ceci. Non, non, tu sais pas. Et le public, tu sais pas comment il va être le public. Ouais. En jouant les autres, est-ce que tu as eu le goût à un moment donné de jouer tes propres choses? Oui. Rapidement? Pas tant que ça. Parce que là, tu as commencé en 2000 à peu près, si je me trompe pas. Exact, hein. Okay. Exact. Et pas si vite que ça, en fait, parce que, comment dire ça, souvent, j'ai eu ce genre de, pas souvent, mais de temps en temps, j'ai eu ce genre de réflexion, tu sais, les gens me disent, mais tu t'es accompagnatrice, ouais. Tu dois t'ennuyer, enfin, si tu veux, derrière, on me le dit pas comme ça, mais tu dois t'ennuyer quand même, t'es pas en avant, t'es pas la vedette et tout. Et moi, je trouve ça d'une telle richesse. J'ai toujours aimé tellement ça que pour moi, j'avais pas le, tu sais, le truc de dire oui, mais moi, j'aimerais bien être devant. Ouais, tu ouais. vois, la side woman. Machin. Ouais, non, moi, c'était une telle richesse que j'avais pas cette envie, en fait. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est le fait d'être, tu sais, à cet endroit précis. T'as le public qui est là, t'as le piano, t'as ton chanteur, ta chanteuse. Ouais. Et toi, t'es là. Et toi, t'es à l'intersection de tout ça. Tu voulais avancer le piano, toi. Oui, voilà. C'est ça. Et t'es à l'intersection. Comme Barbara. Oui, Oui, c'est ça. Ouais. Et cette envie de, d'avoir ce contact direct. Ouais. Parce que pour moi, le piano, c'est pas du tout c'est un prolongement. C'est pas un objet en soi, enfin, comment te dire. Il fait partie de moi. Oui, c'est comme la guitare pour certains. Exact, exactement. Un peu comme Véronique Sanson, tu voulais regarder ton public et le public te regarde. Oui, ouais. Voilà. Mais c'est venu, je te dis, je commençais en 2000. C'est venu ben, 2010, ça a commencé 2010, grâce à Joyeux aussi, entre autres, parce que moi j'ai une grande reconnaissance pour Bernard, parce que il m'a permis d'être accompagnatrice, mais aussi, dès que je proposais un truc, parce que j'aime jouer, moi j'aime rire, j'aime le jeu, j'aime la complicité sur scène. Ouais, ouais, ouais. Et, alors, ça enrichit. Mais tellement, et puis les gens le sentent, tu vois. Et Bernard, dès que je proposais un truc, il me disait « Ah ouais, super, garde !» Donc au fur et à mesure, je commençais à... Toi, ben, ça te valorisait. Mais oui, ben, valoriser, ça amenait du de jeu. Ouais, de ça amenait du jeu, exact. Et ça servait le spectacle. Tu vois, j'aurais pas fait ça avec Alain, parce que ça n'avait pas de sens. Non. Mais avec Bernard, oui, ouais. Parce qu'il restait rein, comme il avait fait avec Rollmop, tu sais, à l'époque. Et voilà, et tout doucement... Subitement, j'ai commencé à dire des conneries, il m'a dit, mais tu ne voudrais pas chanter une chanson? Et je dis, bah ouais. Voilà, c'est venu comme ça, Et c'était une chanson qui était déjà écrite, qui était pas, c'était pas toi qui l'avais composée? Ouais. C'était une chanson de Manu Lox, oui. Qui s'appelle Kiki. Oui. Et voilà, ça a été la chanson qui a été le début de tout ça, quoi. Et après, j'ai commencé à me dire, tiens... Je pourrais faire un spectacle, moi, toute seule, et puis... Seule sur scène. Seule sur scène, avec accompagné. Ouais, peut-être un violoncelle, quelqu'un. Un piano, machin. Ok, tu voulais sortir du... Oui, aussi. Son pays, c'est la vie. C'est petit, mais joli. Peut-être a-t-elle vieilli. Mais elle ne m'a rien dit. Ça fait tellement longtemps pour moi qu'elle a 30 ans, le temps passe. Et pourtant, malgré ses cheveux blancs, son ventre un peu plus large et les ongles du temps qui griffent son visage et ses mains toutes dures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Elle me connaît par cœur, mais elle m'aime quand même. Elle m'a soigné des heures et des nuits par centaines. Elle a fait tant d'efforts qu'elle s'inquiète encore quand il fait froid dehors. Elle donne, elle pardonne, elle ne juge jamais, non. Plus rien ne l'étonne, elle a tellement pleuré. Mais malgré ses blessures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure. La plus belle, c'est ma mère. Et quand le jour se lève, elle repart au galop. Dans son petit manteau beige, elle a l'air d'un moineau. Mais quand elle me regarde, elle a les yeux qui brillent. La plus belle, c'est sa fille. Aujourd'hui, chaque fois que j'ai mal à la vie, c'est fou, je la revois comme quand on était petit. Depuis longtemps, c'est sûr, la plus belle sur la terre. La plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Moi, j'ai jamais su faire pour savoir à la fois rester femme, être mère, essayer d'être moi. Depuis que j'ai grandi, je cherche la sortie. Et je n'ai rien compris. Mais quand je la regarde avec tout son courage et ses mains toujours froides et son petit visage, aujourd'hui j'en suis sûre, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Et quand je vais la voir, elle est comme une poupée. Sauf que dans mon regard, elle n'a jamais changé. Mais s'il n'est pas trop tard, aujourd'hui je lui dis tout simplement merci. J'aimerais tant savoir revenir en arrière et surtout la revoir dans les yeux de mon père. Alors, quand c'est trop dur, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Ça me plaisait bien de me dire, je suis hors de mon piano aussi. Okay. Donc, quand j'y suis, ça va, c'est correct, mais... Comme Beko pouvait sortir puis revenir après ça. Exactement. Ouais. Et parce que c'est, il se passe autre chose. Ouais. T'es totalement, tu vois, quand t'es... comment te dire ? Quand t'es au piano et que tu chantes, très bien. Mais, c'est naturel, t'es dans une espèce de familiarité. Et quand tu sors, tu te mets devant et que t'es devant les gens, c'est vraiment totalement à ouais. poil, quoi, tu vois, à nu. Parce que tu ne peux pas, absolument pas te cacher quelque non. part derrière un instrument. Et j'ai senti, ça m'a appris beaucoup, moi, en tant qu'accompagnatrice, pour après, de me dire à quel point le chanteur, il est vraiment totalement à poil, quoi, quand il chante. À quel point les accompagnateurs sont importants ouais. et fondamentaux. Souvent, j'ai un souvenir, tu sais, d'Alain qui me disait, quand il rentrait sur scène, le presque, on était dans la coulisse, tu vois, il était derrière moi, et il me poussait comme ça, il disait, allez, vas-y, je te suis, et moi, je rentrais sur scène comme oh, ça. Oh, oui, bousculé. Ben. Ouais, il me dit, vas-y, je compte sur toi, et plaf, il me poussait pour rentrer sur scène. Mais une fois que tu connaissais bien l'instrument qui était le piano, comment tu as travaillé l'instrument qui est la voix? J'ai pas travaillé, en fait. D'aucuns diront, ben, ça s'entend. Mais, non, ça, c'est les mais peu importe. C'est vraiment, c'est pas du chant lyrique, c'est pas du... Voilà, c'est j'ai pas travaillé. C'est juste l'envie de le faire. Et puis, c'était surtout sur l'humeur. Tu vois, sur moi, j'aime beaucoup la fantaisie, l'humour, comme je te disais. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment choisi que des chansons où il y avait du jeu et de l'humour. Cucus, forcément, évidemment, et puis... tout le répertoire, voilà. À quel moment tu t'es dit, ben là, moi, je me lance, j'écris mes propres chansons parce que je veux puiser dans ce que j'ai vu, ce que je vis, ce que j'aimerais raconter? Ben, écoute, moi, j'ai pas écrit des chansons, moi, personnellement, en tant qu'auteur. J'en ai écrites, bien sûr, j'en ai écrites, mais je les ai pas chantées. J'en ai chanté une sur scène, vraiment, avec Juliette, qui a fait la mise en scène du dernier spectacle. Juliette qui? Noureddine. OK, oui, ben oui. Ah, oui, la grande Juliette. Ouais. OK. Ben oui. Juliette. Elle vient de sortir un album incroyable, hein? Oh, attends, je l'ai vu là-bas à côté, hein? Oui. À la Cigale. Oui. Ben oui, elle reste à côté de la Cigale. Ah oh, là. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans. C'est vrai? Ouais, oui. Ah, ben ça, pour moi, c'est vraiment... T'as travaillé longtemps avec elle? Et je continue, je la vois bientôt, on travaille ensemble, absolument. OK. C'est, ouais, c'est une vraie belle rencontre, ça, Juliette. Et je l'ai vue donc il y a le 5 juin, je crois. Grosse claque. Grosse claque. Et pourtant, j'en ai vu des spectacles de Juliette. Et j'ai trouvé qu'elle avait... Comment te dire? Moi, en tant que spectateur, j'ai vu une transparence. Tu sais, elle est arrivée, elle nous offre quelque chose très apaisé, très dans la sincérité. Ouais. Tu vois, il n'y a pas d'effet. Très calme dans ce qu'elle a à dire, à proposer. Et avec, toujours avec ce toucher de piano moi, qui me ravit, avec ses arrangements, etc. Et surtout cette vérité sur scène que j'avais pas ressentie depuis longtemps, et elle était heureuse d'être là. Tu vois, il y a cette gourmandise, ça je guette beaucoup, la gourmandise des gens quand ils sont sur scène. Puis ce qui est intéressant, cette femme-là, lorsqu'elle prend des jeunes chansons comme Les Dessous Chic, et qu'elle se l'approprie, mais oui, on voit plus Birkin, on voit plus Gainsbourg, mais bien on voit, c'est tellement mais beau. Tellement ça. Les coraux, ben oui, le coraux, puis il y en a tellement. La chanson d'Edith Piaf, là. Ah, L'homme à la moto. Oh, L'homme à la moto, c'est hallucinant. Il y a tellement. Le Sentimental Bourreau aussi, là. Oui. Oui. Et il y en a une autre qui est là. Elle a fait une chanson. Tu l'as vu, le nouveau spectacle? Non, malheureusement. Alors, je te dis juste, je ne veux pas te dire. Mais c'est lui à Québec, j'ai bien hâte de la voir. Va. Il y a un fil conducteur qui est le théâtre. Est-ce que je te le dis ou pas, ça va te faire... Non, dis rien. Je te dis rien. Ok, ouais. Ok, je te dis rien. Alors, je vais te dire une chose, mais je te le dis pas. Ok. C'est qu'à la fin du spectacle, j'étais vraiment très, très heureuse. Elle fait une dernière chanson, je te dis pas laquelle. Oh, non. D'accord. Et là, j'ai pleuré toutes larmes de mon corps. De sincérité. De sincérité, de beauté, de ce qu'elle peut offrir, quoi. Voilà, je te dis juste, là, va la voir. Elle finit avec un joyau. Un joyau. Et un joyau de chansons, bien sûr, mais un joyau aussi de propositions musicales, humaines, enfin, c'est très beau, vraiment. Lorsqu'elle chante avec Depardieu, c'est hallucinant, le fils. Ah, la lettre oubliée. Ah, c'est une lettre oubliée, ouais, très beau. Incroyable. Ben oui. Ah, tout ce qu'elle touche devient magie, devient... Faut pas trop le dire, hein, parce qu'après... Non, mais elle le sait, non, elle n'a pas la grosse tête, mais elle s'est fait demander beaucoup, là, depuis 10-15 ans, là, qu'on écrit pour... Elle écrit beaucoup pour des artistes. Et puis, ce qu'elle elle me disait aussi, elle a une grande, pas une grande fierté, ouais, mais c'est de se dire qu'elle elle a mis en scène des spectacles et elle aime ça. Et le fait de pouvoir de le faire, ça lui amène aussi d'autres choses sur un autre plan. Ouais. Je veux dire, elle avait travaillé avec, Agnès Bourri, ouais. Et qui lui a dit, ok, vas-y, c'est bien, ce que tu fais, c'est super, etc. Et c'est vrai qu'elle, c'est une chose aussi qu'elle aime faire, comme le travail d'arrangement. Elle peut oublier ses textes, elle peut revenir après ça avec beaucoup de gourmandise. C'est ça. Ouais. En tout cas, voilà, c'est une très très belle rencontre et on se voit bientôt pour un nouveau projet. Tu lui diras bonjour de ma part. Oh, je lui transmettrai. Merci. Absolument. Merci. Ouais. À un moment donné, je l'ai rencontrée à Québec. Ouais. Je lui en ai parlé, elle s'en souvient plus, c'est normal. Là. C'était dans le vieux Québec, elle était sur la rue Saint-Jean. Elle s'apprêtait à prendre un café, puis elle cherchait un endroit, et je lui ai conseillé. Elle ne savait pas que je la connaissais. Hein. C'était hasard. Ben, hasard, moi, je l'avais reconnue. Oui, mais c'était hasard, ses débuts, c'était irrésistible, imagine. Oh là, ben oui. C'était son quatrième album ou mais troisième album. Mais oui, Quel album? Ah, ben... Quel album? Ce qu'elle fait, c'est... Ah, quel album, hein? Mais... Et puis, j'ai dit, ben moi, je te conseille, parce que je l'ai tutoyé, mais moi, je te conseille ce café-ci. Magnifique. Ah oui? Tu vas voir, j'ai dit, c'est typiquement français et c'est tenu par des Belges. Donc... J'adore le postulat. Ah oui, c'est ça, donc... elle est partie, elle était avec trois personnes, trois femmes. Elles sont entrées, puis voilà. Avant qu'elle quitte, j'ai dit, j'aime bien ce que tu fais. Et là, elle était surprise que je la reconnaisse. Parce qu'à Québec, elle n'était pas connue. C'est super. Et toi, comment tu l'avais rencontrée? Découverte? Ben, par Irrésistible. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et quand je lui ai demandé par Internet, comme je te l'ai demandé à toi, j'ai frappé uniquement une fois à sa porte, sur Internet. Elle m'a dit « Oui, mais elle dit « Moi, je me déplace pas, tu me rencontres à la cigale. » J'ai dit « OK, parce que tu restes pas loin. » Et elle dit « Effectivement, c'est ça. » Elle reste juste à côté, donc c'est pas compliqué. Et donc, on s'est rencontrés, une femme qui calcule pas le temps. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Bon, elle m'a raconté l'histoire de son grand-père. Et voilà. Ben ouais. C'est... Mais tout ça en revenant toujours sur sa carrière. Ouais. Parce que c'est les gens qui l'ont inspiré. Oui. Et toi, qui t'a inspiré? c'est ma grand-mère. C'est drôle de dire ça, mais c'est vrai. C'est ma grand-mère, c'est l'envie d'aller lui procurer des émotions. Et pour moi, c'était ça, c'est-à-dire de parce que je suis pas, on dirait pas comme ça, mais je suis une grande timide, très très très très timide. Et, tous les artistes le sont, hein. À part certains. Et parler et le contact, mais très difficile. Et le seul moyen que j'avais, le seul vecteur, c'était la musique. C'est-à-dire que derrière un piano, même quand je mets le pied sur scène, tout s'envole, tout va bien, et j'ai pas peur, et je suis libre. Et c'est ça, c'était l'idée de... Ce qui m'a inspiré, c'est de se dire par quels moyens je vais pouvoir me libérer de cette grande timidité, cette difficulté à communiquer. Voilà. Et ça va pas jusqu'à la musique. À une difficulté d'être. Non, c'est juste de communiquer, de pouvoir communiquer. Et voilà. Et donc, après, j'ai été nourrie, chanson française, c'est Brassens, c'est Brel, c'est vraiment très, très classique. C'est venu tout doucement, et puis la musique classique, très vite. C'est une bonne base, hein. Voilà, c'est ça. Et je ne sais pas comment c'est venu. Si, il y avait un cours de solfège, à l'époque, en face d'où travaillait mon père, qui travaillait en face, je te le donne en mille, du Casino de Paris. Oh, ok. Et donc, pour moi, quand j'étais avec mon père où il bossait, là,

Mais quand toi, tu es sur scène, aimes-tu improviser ou tu veux vraiment que ce soit écrit pour pas... Non. Il y a les deux. Il y a des fois, c'est écrit. Avec Anne-Sylvestre, par exemple, évidemment, qu'il y a toute cette tradition d'arrangement, François Robert, Jérôme Charles, puis moi aussi, après, j'ai écrit des arrangements. Donc, c'est très écrit. C'est une tradition, c'est une couleur. Tu as travaillé avec elle? Pendant 11 ans. OK. Je l'ai accompagnée pendant 11 ans. Et on est parti, on a joué à Montréal, on a joué à Tadoussac, on a... Et c'était à l'époque où elle était avec Pauline Julien? Non, c'est okay. Après. Okay. Moi, j'ai commencé à bosser avec elle en 2011. Ah oui, OK. OK, ouais. Tu vois? Ouais. En 2011. Jusqu'à la... 2010. Voilà. Jusqu'à 2010. Sa mort? Ouais. OK. Alors, je l'ai accompagnée sur scène et puis j'ai travaillé, j'ai fait les arrangements de scène aussi avec Jérôme Charles. Et donc, avec Anne, il y avait... toutes les chansons étaient écrites. Tac, tac. Bon. Plein de notes, couleurs, musique française, tu vois. Et il y avait quelques chansons qui étaient mes petits bonheurs et nos petits bonheurs avec Anne, parce qu'on riait comme des folles sur scène. C'était Lettre ouverte à Élise, où là, je faisais ce que je voulais. Il y avait Les Blondes, où là, pareil, c'était improvisation. Et il y avait, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Alors, je sais plus. Mince. Ça va me revenir. Valse Marine. OK. Valse Marine, tu connais cette chanson? Non. Délicieuse. Et donc là, on jouait beaucoup là-dessus, toutes les deux, et là, c'était improvisé, en fonction de ce qu'elle m'amenait, et on riait beaucoup. Elle guettait Sam de se dire, ouais, le petit clin d'œil, ouais, on y va, et on fait le truc. Et elle adorait ça. Est-ce qu'il y a des chansons que tu jouais avec elle et qui fonctionnaient tout le temps, dans n'importe quelle salle, comme non, je n'ai pas de nom, des trucs... Bien sûr, ça, évidemment. Mais il y a tellement de chansons d'Anne qui étaient, elle les commençait et c'était, quoi qu'il arrive, c'était une émotion énorme ou des éclats de rire, mais c'était imparable. Ouais. Il y avait un côté chez elle, c'était imparable, tu ne pouvais pas lutter là-dessus, quoi. Ouais. J'ai un souvenir au Casino de Paris. Ouais. C'est quand même des grandes salles. Là. Ouais, elle avait vraiment son public et partout où elle allait, c'était rempli, quoi. Elle était très connue aussi chez nous. Oui, bien sûr. Ben, on est venu plusieurs fois. Ouais. Et donc, ouais, c'était avec une rencontre avec Gilles Vigneault à c'était Outremont, je crois, théâtre. Oui, tu as l'air à Montréal. À Montréal. Et donc, moi, j'ai le souvenir de cette rencontre magnifique avec Vigneault. Et qu'est-ce que je disais? Oui, Casino de Paris, fin du spectacle. Et les gens, ouais, Vigneault, machin, truc. Et là, dans la salle, il y a une personne qui dit « Sorcière !» Et Anne qui dit « Toi-même. » C'est pas mal. Ah oui. Ouais. Mais il y avait, ouais, il y a une, comment elle s'appelle, Claude Collet, qui m'a remplacée sur quelques concerts. On était en binôme à un moment donné. Parce que tu pouvais pas tout le temps ou toujours. Il y a eu des fois, voilà. Et Claude, première fois qu'elle va me remplacer, c'était en Belgique, je crois. Donc elle avait répété avec Anne, chez elle, dans le 20e, tout ça, tac, répétition avec les filles, clarinette, violoncelle. Concert. Elle monte sur scène, tac, tac, tac, introduction, et là, Claude qui me dit, mais t'aurais dû me prévenir. Parce que, première note, Anne qui rentre, les gens qui 900 places, les gens qui applaudissent, et ça a duré, mais t'aurais dû me dire, parce que j'étais tellement bouleversée d'entendre ces gens qui n'arrêtaient pas d'applaudir accueil. Comme Brel quand il rentrait sur scène. Elle dit, j'ai eu du mal à enchaîner. On ne l'avait pas prévenu, en fait. Et c'est vrai que c'était ça. Mais parce que c'était tellement devenu automatique, toi puis elle. Donc, vous saviez que... On savait, mais c'est vrai Mais c'est vrai que c'est important de le dire. C'est comme si quelqu'un travaille à un endroit, puis il se passe toujours la même chose, puis on ne l'avertit pas, parce que ça fait partie du décor, de la façon traditionnelle. Je ne dis pas qu'on s'y habitue. Non. Mais c'est une chose qui était, ouais... On ne surprend pas. Elle savait. Mais c'est sûr qu'il y a des salles qui fonctionnent un peu moins, donc ça ne te surprend pas non plus. Le public du lundi, c'est pas le public du samedi. Mais c'est vrai que, voilà, c'est... Tu as fait combien de spectacles avec elle? Il y a eu, je sais pas, il y en a eu 5 créations de spectacles. Okay. 5 créations. Et puis les disques, et puis cette collaboration, voilà, sur les arrangements que j'ai adoré faire avec Anne. Anne, c'était une nouvelle chanson. Donc j'allais chez elle dans le 20e, tu vois. Ouais. sa table de cuisine qui était dans le salon, nappe cirée, tu vois, en face d'elle. Elle disait, Nathalie, c'est des nouvelles chansons. Et là, les yeux dans les yeux, elle me chante a cappella, tu vois. Elle me chante les nouvelles chansons. On t'imagine la puissance du truc. Et après, elle s'enregistre. Elle me donnait l'enregistrement. Je dis, tiens, vas-y. On va travailler chez toi. Confiance totale. Confiance totale. Et musicalement, je pouvais aller où je voulais, en fait. Mais dans la tradition, oui. Évidemment. Mais elle n'avait pas de trame sonore avant. Elle n'avait pas d'idée musicale. Ah, si. OK, mais déjà là, avec ses mots, il y avait quelque chose. Attends, il y a les mots et la mélodie. Anne, c'était une mélodiste, hein. Puissante mélodiste, très très belle mélodiste. Donc elle avait non seulement la mélodie, évidemment, qui était structurée, mais aussi les arrêts. C'est-à-dire couplet, elle s'arrêtait, reprise de couplet. C'est comme si à l'intérieur de sa tête, sa chanson était déjà... Ouais. Elle avait un mouvement. Oui, un mouvement et interne et ces pauses qui permettent d'avoir un petit pont musical, de repartir. Elle avait une grande connaissance de comment va être reçue une chanson sur scène. Mais en même temps, avec cette façon de voir la chanson, elle savait que à un moment donné, les mots sont tellement puissants qu'on doit laisser respirer. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Elle avait ça intégré, si tu veux, au même titre que les mots. C'est-à-dire, on laisse ce temps-là, ce tampon, hop, et on repart. Et entre chaque couplet, c'était le même temps qui était laissé. Comme si c'était inscrit aussi fort que les mots, ouais. Ce temps d'émotion. Ouais. C'est beau, hein? Parce qu'elle connaissait la valeur du mot. Exactement. Et surtout la portée du mot. Oui, ouais, c'est avec ça. Avec qui tu as travaillé, si on n'est pas... Avec qui j'ai travaillé? Ouais. Beaucoup de personnes différentes. Mais longtemps, comme un peu Anne-Sylvestre. Ah, Bernard Joyet, ça a duré assez longtemps. On a travaillé 15 ans ensemble. Et puis là, je l'avais accompagné une semaine à Avignon. Okay. Clélia, qui l'accompagne, ne pouvait pas. Elle me dit, Nathalie, tu peux accompagner Bernard? Je dis, bah, allons-y, on fait une semaine. Ça fait 7 ans qu'on n'a plus bossé ensemble. Pourquoi? Parce que ça s'est arrêté, tu voulais faire autre chose? Je faisais autre chose. Et tu ne donc... pouvais pas tout faire non plus, c'est ça? Là? Je ne pouvais pas tout faire. Il y a juste une Nathalie. On la partage. C'est ça, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, en 2014, mon ami, mon grand ami, Romain Lemire. Oui. Si tu le connais, oui, Romain. Ben oui, ben oui. Magnifique. Oui. Romain, il est toujours à l'intersection de plein de choses. Mais enfin bref, ça c'est autre chose. Je l'aime d'amour. Et Romain me dit, écoute, Nathalie, j'ai passé une audition. Je ne l'ai pas eue. C'était une audition, un truc musical, burlesque. Tout. Je ne l'ai pas eue, mais j'ai donné ton nom. Moi, je ne passe jamais d'audition, tu vois. Je dis, mais c'est quoi? Écoute, je ne peux pas te le dire. Parce que c'est par contrat, il ne faut pas le dire. Et donc, je me pointe à l'audition. Il fallait faire présenter un morceau, plein de trucs musicaux différents, classiques, jazz, machin, un peu impro. Et puis présenter des scénettes aussi de comédie. Okay. Comédienne, voilà. Donc, il y avait une première postulat, c'était d'arriver sur scène un peu bourré, et puis en même temps jouer un truc classique hyper dur. Voilà, puis arriver avec. Enfin, bon, bref, il y a plein de trucs. Je me pointe, je passe l'audition, et puis au bout de X et X temps d'auditions, il y en a eu plein d'auditions de machin, je suis prise. Oui. Et c'était pour Duel, c'était le spectacle Duel, je ne sais pas si tu connais Laurent Sirade. Tu le connais si tu connais le Quatuor? Non. Tu ne connais pas le Quatuor? Non. Bah, voir le Quatuor à l'époque, c'était un truc, premier spectacle musical. Donc, musiciens classiques qui sont comédiens et qui font les clowns en fait. Et moi, c'était ce que je voulais faire. C'est-à-dire être sur scène et faire rire les gens et leur procurer de l'émotion. Et ça a été le début d'une grande aventure avec Laurent. Combien de temps ? Ça continue. Ça continue, on joue partout. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment du visuel. Okay. On joue, on fait les idiots, hop, tac. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue d'un instrument. Violoncelle. Okay. Violoncelle. Il fait le double de moi, c'est une grosse baraque comme ça, et moi toute petite. Alors c'est le même spectacle depuis... Qu'est-ce que moi suis, ce spectacle-là ? Et c'est le même spectacle, et là on est en train depuis de construire. Ans, c'est le même spectacle. Pas 15 ans, okay. 8 ans. 8 c'est ans. Le même spectacle depuis 8 ans. Ouais. C'est comme faire Starmania pendant 8 ans. C'est ça. Okay. Mais ça, on est parti dans plein de pays. Mais vous n'êtes pas allé au Québec? On espère y aller. Okay. On espère y aller bientôt. Okay. On est allé aux États-Unis, on est allé en Russie à l'époque, quand on pouvait mais y aller bien encore. C'est parce que ça n'a pas de mots. Oui, il n'y a pas de mots. Donc tu vas là, il faut juste changer les... Parce qu'à un moment donné, je montre une partition, et puis il faut changer le signe de 500. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais, mais ça, c'est donc je l'ai dans toutes les langues, et puis ça marche.